dit haché, puis lacé, exécuté, lacéré pour l'amour de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, des vices en toi, des vies gâchées, des vies de peine, des vies brisées. Uh-oh.